Sur le chemin de campagne, moi je serai de là en moins de temps que le temps fait pour le comprendre. Pendant j'ai causé. De ma gueule comme la base, car je connais le sujet. Yeah.

de la bouche et prends un smith à un mange du riz. Bye. We'll be right back.